J'ai plus trop d'où ça part, sûrement un soir où je me sentais ailleurs. Le bossier sur la feuille et ma carcasse au premier ferrailleur. Tout me paraît fat, j'ai bien du mal à me sentir exister. Face à moi-même comme si le réel venait de se désister. L'impression que rien n'est vrai, autour de moi j'ai même plus faire la part. J'avance dans un bocal qui écroule l'hameçon même si j'en fais la part. Tout me paraît biaisé, la tête dans mes petites rimées. Ma gueule c'est la façade, ma plume vient briser la vitrine. Résolution pour le lendemain, le jour d'après j'ai déjà tout zappé. Souvenir en MP3, file un stylo et je fais la route à pied. J'ai besoin de rien de plus, le son c'est ma boussole. J'avance avec un cœur plus délavé qu'un tag au soleil. Tous formatés, sourires tenus par des ficelles. Quand tous leurs souvenirs olfactifs proviennent d'odeurs artificielles. J'ai fait le plein de madeleine, leur quotidien ne pourra pas me tenter. Et si je pas de l'aile, je grippe la feuille histoire de pas me planter. Il me semble que la façon mauvaise que j'ai de chanter mes chansons leur convient très bien. C'est-à-dire sans artifice, comme si vous vous chantiez, comme si un type dans la rue se mettait à chanter une chanson. Enfin que ce soit un homme qui chante et non pas un artiste, vous voyez. Un type qui ne sait pas tellement chanter. J'ai mis les tripes dans mes diatribes, chez moi la plume et médiatrice. J'aurais pas dire vers où va le rap, mais je le vois se parsemer d'actrices debout 5h du mat. Pourtant l'avenir m'appartient pas des masses. Des fois je me plains, même si je sais bien que je suis loin des favelas. C'est mis comme un gruyère, façon pour la retraite, c'est déjà rappé. Je suis dans le passé, oublie le présent, j'emmerde le mois d'après. Je veux pas penser au temps, mais les aigus pratiquent la course poursuite. J'attends le repos, je sais que c'est pas pour tout de suite. Les rêves se fracturent, l'espoir qui part en fragments. J'essaie de me conserver, pour ça que les vertes apparaissent froidement. Je sais pas ce que je fous là, je paierai avant d'en trouver le but. Les rimes en poche, je continuerai jusqu'à m'en trouver le fut. J'ai laissé tomber le reste, t'entends l'inverse, c'est comme ça que je respire. En manque d'adresse, les yeux m'effèrent pour ajuster le tir. Faut pas rester figé, c'est bien joli, mais c'est pas où le bonheur. Peu importe le final, pratiquer le rap, c'est mon parcours d'honneur.